Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 15e et dernier épisode. Après l'issue désastreuse de sa tentative de fuite avec Magwitch, Pip se retrouve seul et sans argent. Démuni, dans un Londres hostile, il croit bien avoir tout perdu. Provis attendit son procès sans jamais se plaindre. Il passa beaucoup de temps à l'infirmerie où je pouvais lui tenir compagnie. Le procès fut bref et net. Il avait beau avoir pris des habitudes de travail légitimes et honorables, il était revenu en Angleterre, ce qui était le chef d'accusation principal. Le juge et le jury ne pouvaient que le reconnaître coupable. On avait coutume à cette époque de terminer la session des assises par les sentences de mort. J'ai encore peine à croire que je vis vraiment 32 hommes et femmes amenés devant le juge pour recevoir ensemble cette condamnation. Je tenais la main de Magwitch. Certains reçurent la sentence avec un air de défi, d'autres étaient frappés de terreur, gémissaient, sanglotaient, s'effondraient. Le soleil entrait en force par les grandes fenêtres du tribunal, les gouttes de pluie étincelaient sur les vitres, et un large rayon lumineux réunissait le juge et les 32 prisonniers, évoquant peut-être à certains des spectateurs que juge et prisonnier cheminaient en toute égalité vers le jugement suprême qui sait tout et ne se trompe jamais. J'espérais de tout mon cœur que Provis mourrait avant l'exécution. Quand je lui rendais visite à l'infirmerie, je trouvais généralement Provis allongé, l'œil au plafond, le visage inexpressif. Jusqu'au 10e jour, quand son regard tourné vers la porte s'illumina en me découvrant. Cher garçon, j'ai cru que tu allais être en retard. Mais je savais bien que ce n'était pas possible. C'est l'heure d'ouverture. J'attendais à la porte. Merci, mon garçon. Merci. Mais le plus beau, c'est que tu es plus à ton aise avec moi depuis que je suis sous un ciel noir que quand le soleil brillait. Ça, c'est le plus beau. Vous souffrez beaucoup aujourd'hui ? Je ne me plains pas, mon garçon. Vous ne vous plaignez jamais. Mais ne parlez plus, cela vous fatigue. Oui. Voilà. Je mets ma main sur votre cœur. Et la vôtre par-dessus. Mon cher Provis, il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous avez eu une petite fille autrefois. Sachez qu'elle vit encore. Vraie dame, très belle, et que je l'aime. Provis réussit à porter ma main à ses lèvres pour l'embrasser. Puis son visage se vida à nouveau de toute expression et sa tête retomba doucement sur sa poitrine. C'était fini. J'étais endetté Je n'avais presque plus d'argent et la maladie était en train de s'emparer de moi. Je souffrais affreusement, délirais souvent. Le temps était interminable et je me débattais contre des personnes qui voulaient me tuer avant de me rendormir, épuisé. Ma maladie m'entourait de visages de proportions gigantesques. Mais tôt ou tard, de façon remarquable, ces visages finissaient tous par ressembler à Joe. Joe. Ben oui, mon vieux. On dirait que oui. Oh. Mon vieux Pip, tu me reconnais enfin. Comment tu te sens? Mieux, on dirait. Joe, tu me brises le cœur. Mets-toi en colère au lieu de me prendre dans tes bras. Eh ben, mon vieux Pip, on a toujours été des copains, toi et moi. Et dès que tu seras sur pied, on va s'en payer une bonne tranche, moi je te le dis. Dieu le bénisse. Dieu bénisse la bonté de ce vrai chrétien. Ça fait combien de temps, mon cher Joe ? Comme quoi, tu veux dire combien de temps que t'es resté malade ? Oui, Joe. Ben, on est fin mai. Et demain, c'est le 1er juin. Et tu es resté là tout ce temps ? En gros, que oui. Parce que, comme j'ai dit à Bidi quand le courrier est arrivé pour dire comment t'étais malade, apporté par le facteur qui était célibataire, mais il vient de se marier, même s'il n'est pas trop bien payé pour les kilomètres et le cuir que ça use. Mais l'argent, ça n'a jamais été son souci. Et le mariage, c'était son plus grand désir. Quel bonheur de t'entendre, Joe. Mais pardon, je t'ai interrompu. Tu disais à Bidi ? Bidi, elle a juste dit, va le voir sans perdre de temps. Ça, c'était les mots de Bidi. Va le voir, sans perdre de temps. Sur ce, je te rappelle, mon vieux, qu'il faut pas qu'on te fatigue à trop te parler, qu'il faut te nourrir régulièrement, que t'aies faim ou pas, et qu'il faut que tu fais tout comme je te le dis. Alors, maintenant, tu vas rester tranquille pendant que j'écris une lettre à Bidi, qui m'a appris à écrire. Tu le crois, si tu veux. Et je pus le vérifier sur le champ, non sans émotion. Après s'être installé à mon petit secrétaire, Joe choisit une plume dans mon plumier, puis il retroussa ses manches comme s'il s'agissait de manier une baramine. Il appuya le coude gauche contre la table et rejeta sa jambe droite loin en arrière avant de tracer chaque lettre avec une insistance qui faisait cracher son âme à la plume. Après avoir apposé sa signature, il découvrit un malencontreux pâté, l'ôta avec son index qu'il appuya machinalement sur sa joue. Enfin, il se leva et contempla son œuvre de différents points de vue avec une satisfaction manifeste. Dis-moi, Joe, est-ce que Mademoiselle Avisham s'est rétablie ? Elle est morte. Écoute, mon vieux, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas si loin parce que c'est une sacrée nouvelle à t'annoncer, mais elle n'est pas... vivante. Là, on s'approche de la vérité. Elle n'est pas vivante. Elle a survécu combien de temps ? Toi, t'es tombé malade et on peut dire que, partant de là, quelque chose comme une semaine. Mon cher Joe, sais ce qu'il est advenu de sa fortune? Eh ben, mon vieux, il semble qu'elle a donné le plus gros à Mademoiselle Estella. Mais elle a écrit un petit cosidil de sa main peu de temps avant sa mort, comme quoi elle donnait à Matthew Pocket la somme rondelette de 4000 livres. Allez. Vint le jour où Joe put m'emmener en promenade à la campagne. L'été envahissait l'air de ses senteurs. C'était un dimanche. Environné par une nature exquise, je me revis, gisant sur mon lit de souffrance pendant que le printemps accomplissait son renouveau. Les petites fleurs sauvages écloses, le babil des oiseaux, le mouvement de la vie sous le soleil comme sous les étoiles. Ça va, Pip. Cette pensée ébranla ma tranquillité, mais aussitôt je me dis que je ne serai jamais assez reconnaissant à la vie. Et poser ma tête sur l'épaule de Joe comme autrefois, quand il m'emmenait à la foire ou ailleurs, et que l'enfant que j'étais finissait épuisé. Je ne savais toujours pas ce qu'il avait appris de mon histoire, et je décidai d'aborder le sujet à la première occasion. Est-ce qu'on t'a appris qui était mon bienfaiteur, Joe? Tu sais quoi, Pip? On a toujours été les meilleurs copains, toi et moi. Alors pourquoi se lancer dans des explications inutiles pour deux copains comme nous? On a assez de quoi remplir la conversation entre nous. Tu crois pas? Il suffit de penser à ta sœur et à Chatouille. Sur quoi je peux te dire un truc, c'est que je faisais ce que je pouvais pour vous séparer, toi et Chatouille, mais j'avais pas toujours les moyens de mes envies. Parce que ta sœur, quand ça l'apprenait de te rentrer dedans, c'est pas tant que du coup elle me rentrait dedans à moi aussi si je me mettais entre vous, mais qu'elle te rentrait encore plus dedans en conséquence. Ça, je l'avais remarqué. Du coup, on est amené à se poser la question de l'utilité de ces interventions. On se dit, je vois bien le mal que je fais, mais le bien, je le vois pas. J'ai tort ou j'ai raison? Raison, Joe. Toujours. Au fur et à mesure que je reprenais des forces, Joe était de moins en moins à l'aise avec moi. C'était un autre dimanche et nous étions partis à la campagne. Je suis bien content d'avoir été aussi malade, Joe. Cher vieux Pip, mon vieux copain. Vous êtes quasi rétabli, monsieur. Je n'oublierai pas un seul de ces jours que nous avons partagés. On s'en est payé une bonne tranche, tous les deux. Et, cher monsieur, ce qui a existé existe pour toujours. Dis-moi, Pip, c'est sûr que tu te sens toujours aussi bien, ce soir comme ce matin? Oui, tu vois. Je vais de mieux en mieux. C'est bien. C'est bien. Au matin, je trouvais son lit fait et sa malle partie. Il m'avait laissé un mot. Pour pas t'imposer, maintenant comme t'es en forme, je suis parti, ça sera mieux sans ton Joe. Toujours les meilleurs copains. Il y avait aussi un reçu pour le règlement de mes dettes. Les alouettes volaient haut dans le ciel bleu au-dessus des maïs encore verts. Tout était tranquille et lumineux. Ici, je pourrais être heureux. La forge était fermée. Notre maison, elle, rayonnait, ses rideaux flottant au vent, des fleurs partout et soudain, ils furent là devant moi, se tenant le bras, Biddy et Joe. Elle poussa un cri de me voir si pâle et moi de la voir si radieuse. Cher Biddy, comme te voilà belle. Et toi aussi, cher Joe, comme tu t'es fait beau. Oui, cher vieux Pip. Mon bon copain. C'est mon mariage aujourd'hui. Je suis la femme de Joe. Mais entre dedans. Bon, on va s'asseoir. Oui. Ma chère Biddy, tu as le meilleur mari qui soit. Et si tu avais pu le voir à mon chevet, tu serais en... Mais non. Non, tu ne pourrais pas l'aimer davantage. Ce serait effectivement impossible. Et toi, Joe, tu as la meilleure épouse que la terre ait portée. Et elle te rendra aussi heureux que tu le mérites, mon cher, mon noble ami. Et... à tous les deux, mes humbles remerciements pour tout ce que vous avez fait pour moi et que j'ai si mal reconnu. Je vais m'exiler et travailler dur. Même si je vous remboursais au centuple, je resterai éternellement votre débiteur. S'il vous plaît, dites-moi que vous me pardonnez. J'ai besoin d'entendre les mots pour emporter leur musique avec moi. Mon cher Pip, cher vieux copain, bien sûr que je te pardonne. Comme si j'avais quelque chose à te pardonner. Je vendis tout ce que je possédais et partis rejoindre Herbert. Le vieux Bill Barley étant mort, Herbert alla rechercher Clara et je dus le remplacer à la tête de la succursale d'Orient. De nombreuses années s'écoulèrent avant que je ne devienne associé à mon tour. Nous ne faisions pas d'affaires sur un grand pied, mais nous travaillions ferme et nous réussissions fort bien. 11 ans s'étaient écoulés en cette soirée de décembre quand je revins en Angleterre pour la première fois. J'avais décidé d'aller revoir la vieille maison, tout seul, et en souvenir d'Estella, je l'avoue. J'avais appris qu'elle s'était séparée de son mari qui l'avait traitée avec la plus grande cruauté. Sans doute s'était-elle remariée depuis. Il n'y avait plus de maison, plus de brasserie, plus de bâtiment à présent. Seul le mur du vieux jardin demeurait. L'antique lierre avait repris racine et verdissait à nouveau sur les tranquilles monticules de ruines. Une brume froide et argentée avait voilé l'après-midi. Mais les étoiles brillaient derrière le brouillard. La lune s'annonçait et il ne faisait pas sombre. J'aperçus une forme solitaire se diriger vers moi, puis s'immobiliser en me voyant. Pip. Estella. Je m'étonne que vous m'ayez reconnue. Je suis pourtant bien changée. Asseyons-nous. Tant d'années, quelle surprise de nous retrouver ici, à l'endroit même où nous nous sommes rencontrés. Vous venez souvent ? C'est la première fois que je reviens. Moi aussi. J'en ai souvent eu le projet, mais les circonstances m'en ont toujours empêché. Pauvre, pauvre vieille demeure. Vous devez vous demander comment elle a pu être laissée dans un tel état de délabrement. Effectivement. Le terrain m'appartient encore. C'est le seul bien auquel je n'ai jamais voulu renoncer. J'ai tout abandonné progressivement, pendant ces malheureuses années, sauf cet endroit, qui qui a été l'unique objet de ma résistance opiniâtre. Il va être bâti. Oui, finalement. Je suis venue lui dire adieu avant sa métamorphose. Et vous ? Vous vivez toujours à l'étranger ? Toujours. Et vous avez réussi, je suis sûre. Je travaille dur. Suffisamment pour gagner ma vie, et donc oui, j'ai réussi. J'ai souvent pensé à vous. Vraiment ? Ces derniers temps, surtout. Pendant longtemps, j'ai tenu à distance le souvenir de ce que j'avais gaspillé, dans l'ignorance de sa valeur. Mais depuis que mon devoir n'est plus incompatible avec ce souvenir, je lui ai donné une large place dans mon cœur. Vous n'avez jamais perdu la vôtre dans le mien. Je n'imaginais pas vous faire mes adieux en même temps qu'à cette maison. Je suis très heureuse que ce soit le cas. Heureuse d'une nouvelle séparation ? Pour moi, les séparations sont douloureuses. Pour moi, le souvenir de notre dernière séparation a toujours été sombre et douloureux. Vous m'avez dit alors, Dieu vous bénisse, Dieu vous pardonne. Si vous avez pu me le dire alors, vous n'hésiterez pas à me le redire aujourd'hui. Aujourd'hui que la souffrance a triomphé des leçons apprises et m'a permis de comprendre quel cœur était le vôtre. On m'a démonté, cassé, plié. Et à la fin, j'ai retrouvé une figure humaine. Enfin, c'est ce que j'espère. Ayez autant d'indulgence et de bonté qu'alors, et dites-moi que nous sommes amis. Nous sommes amis. Et nous resterons amis jusque dans la séparation. Je pris sa main pour sortir des ruines. Comme les brumes du matin s'étaient dissipées la première fois que j'avais quitté la forge, les brumes du soir étaient en train de se dissiper, ouvrant devant nous une large étendue lumineuse et sereine où je ne voyais se refléter l'ombre d'aucune séparation. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation Sylvie Granotier. 15e et dernier épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Yann Boudot, Aurélie Nusillard, Mélissa Barbeau, Philippe Bautier, Marc Barbet, Yvon Martin. Et les voix de Anne-Lise Kedves, Louis Nelson de La Palme, Christine Guénon. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.